Fait l'un pour l'autre, par Gustave Droz. Chapitre 1er. Mademoiselle Sophie Durand à son amie intime. Mon petit rat blanc, mon petit agneau vert, ma colombe sans tache, tu ne diras pas que je ne t'aime pas, en veux-tu encore? Mon petit poulet rôti, mon petit lézard mystique. Non, non, efface lézard mystique. Je crois qu'il y a là-dessous quelque impiété. Ce mot-là me vient de mon frère, et tu sais qu'il travaille dans l'impiété. C'est même, comme dit maman, une cause de désespoir incessant et mortel. Je suis absolument de l'avis de maman, mais que veux-tu faire? Il est majeur. Il n'est d'ailleurs que ce vice-là, ne fumant pas, ne prisant pas non plus. Et puis enfin, je prierai pour lui. Ce sont des charges de famille qu'il faut accepter, n'est-ce pas? Maintenant, donne ta joue gauche que je t'embrasse. Et ta joue droite, que je te donne un soufflet. Comment? Je te dis une engrêlure riche et légère séparant le feston de la broderie, et tu laisses mettre la broderie après le feston et l'engrêlure derrière. De sorte, ma belle mignonne, que ce sont des chemises perdues. Tu comprends que cette engrêlure jure derrière cette broderie. Si je les laisse là, toutes deux, elles se mangeront. C'est à ne pas oser les regarder. J'en aurais pleuré. Heureusement que les deux autres chemises en batiste, chemises habillées, chemises de cérémonie, sont réussies. Un peu à jour la dentelle du devant, ne trouves-tu pas? Enfin, ça a du genre, et puis on ne se marie pas tous les jours. Tu penseras au chapeau, n'est-ce pas, Bichette? Un brouillonné de rien, c'est entendu. Dis à la lingère de se presser. Tout marche chez la couturière. Ma tante m'a envoyé hier mon livre de messe, d'avance, comme tu vois. C'est un bijou que ce livre, une reliure ravissante avec ornement en acier, et au milieu, mes armes en saillie avec la couronne, la merlette et le petit machin. Je n'ai pas encore osé demander au comte ce que cela représentait, le petit machin qui est au bas. Oui, je suis heureuse, ma bonne chérie, mais tu comprends qu'au milieu de tous ces préparatifs, je dois perdre la tête, et c'est ce qui m'arrive. Si je n'avais pas maman qui m'aide un peu, je deviendrais folle. On construira une salle de bal dans le parc. Papa offre à maman, le jour du contrat, une paire de chevaux superbes. Monseigneur viendra dire la messe. Quant au repas, je crois qu'on en chargera chevet. C'est plus simple, tu comprends. Ces gens sont habitués à ces sortes de choses. Mais, vas-tu me dire, et le héros de l'affaire? Et le prince charmant? Et lui, enfin? Eh bien, lui est un fort galant homme. Un beau nom, comme tu sais, et à ce propos rappelle à ces demoiselles la couronne au-dessus du chiffre, le chiffre enlacé. Un peu vieillot de forme, comme je l'ai choisi, enfin. Il a de plus de la religion, de l'allure, il sent son duc d'une lieue, quoiqu'il ne soit que comte. Viens, que je t'embrasse en passant. Il a refusé d'avance toutes les offres que ne manquera pas de lui faire le gouvernement. Il l'assurait hier à monsieur le curé, et à vrai dire, cette conduite mâle n'a pas peu contribué à séduire mon père et moi aussi. C'est courageux, ma chère, sais-tu, que de tenir tête à l'orage et de dire à son pays tout entier « Non, je ne marcherai pas ». Il pense qu'il serait opportun de demander notre mariage à sa sainteté. Nous ne pouvons guère faire autrement. Mais ce que lui a d'incontestablement aristocratique, c'est le pied. Un pied de femme et d'homme tout à la fois. Cambré et effilé, au perché sur son talon verni. Le craquement de sa botte ne ressemble à aucun autre craquement de botte. On devine que ce pied est celui d'un homme qui aurait pu chausser l'éperon d'or et aller aux croisades. J'ai cru deviner que la beauté du pied est l'apanage de la branche cadette dans la famille de mon futur mari. La branche aînée se distinguait par la forme exquise de son nez, comme chez les Bourbons. Quant à la librée, à l'écurie du château du comte, tout cela a été très négligé depuis quelque temps. Tu sais que sa position de fortune était un peu embarrassée, et lui-même, avant-hier soir, avec une simplicité charmante, où l'on devinait cependant l'orgueil de la race, nous a avoué que son château de Fortvieux, qui est un monument historique de notre vieille Sologne, à ce que m'a dit monsieur le curé, n'avait plus que les quatre murs. Mais, a-t-il ajouté, sur la pierre qui domine les ruines de la porte est sculpté l'écu de ma famille, et cette pierre est intacte. Il disait cela avec une aisance, tout en tapotant de sa badine sa petite botte qui se dandinait. Mon père était rouge comme s'il fût sorti de table et je partageais son émotion. T'imagines-tu ce manoir en ruine, ces hautes tours fracassées, ce pont-levis, ces immenses fossés, et le représentant, le maître de toutes ces choses poétiques, caressant sa botte à deux pas de nous. Monsieur le comte, l'a dit mon père en se levant, la pierre dont vous parlez vaut à elle seule 500 000 francs, pour moi, du moins, je vous prie de le croire. C'était embarrassant pour papa, tu comprends. Elle vaut plus pour moi, monsieur Durand, elle vaut plus, a répondu le comte en souriant avec son grand air. Et il a bien fait de répondre ainsi, à sa place on aurait fait autant, mais ça ne fait rien, c'est noble. Nous relèverons les tours de Fort-Vieux, m'a dit papa en m'embrassant le soir avant d'aller me coucher. Il est bon, ce pauvre père, et maman aussi, mais comme le dit quelquefois le comte, sans avoir l'air d'y toucher, il y a dans notre parc une petite odeur de charbon de terre, ce qui pourrait bien être vrai, du reste. Les usines sont à un quart de lieue, mais j'étais habitué à cette odeur et je ne m'en apercevais pas. J'aimerais mieux maintenant recevoir un soufflet que d'entendre parler de ce charbon de terre. Depuis que monsieur le curé déjeune chez nous avec le comte, il met des rabats neufs et dit le bénédicité tout haut. Notre domestique Pierre en a été tellement surpris la première fois qu'il a laissé tomber par terre l'assiette qu'il avait à la main. Maman était dans une colère, elle l'aurait chassé. Voilà ce que c'est que de faire des valets de chambre avec les ouvriers d'une usine. Mais je m'arrête, ma belle mignonne. Presse tout mon monde, vois pour le piano à queue, soigne la petite couronne sur le chiffret, tout en flânant, regarde un peu les livrées. Nous reprendrons celle de notre famille, mais j'ai idée qu'on pourrait la rajeunir un brin, tout en respectant la tradition. Je conserverai la culotte et le gilet orange, mais l'habit feuille morte ne me plaît pas beaucoup. Ne m'appelle donc plus dans tes lettres, ma chère comtesse. Quel grand enfant tu fais, ta montre avance de 15 jours, ma belle chérie. Adieu, 1000 baisers, ta Sophie. P.S. Je crois qu'il m'aime beaucoup.